J'ai écrit le 11 novembre 2017 cette phrase. 2017, 7. Comprenez-vous? Pardon? Oui, 2017, 7. OK. J'affronte tellement de choses essentielles dans la vie que dans la connerie, je me défile, je fuis. Toujours le 11 novembre 2017, j'étais prolifique. Plus besoin du reste. Je voudrais rencontrer l'essentiel, mais il n'était pas au rendez-vous. Une autre, pour la route. Je te laisse des mots sans parole, comme à l'érosion d'un sujet sans succès. Si cette nuit nébuleuse te paraît prétentieuse, dis-toi que je ne t'oublierai pas. Aujourd'hui, le lundi 12 décembre 2022, monte le volume et hume la différence, car c'est parti, mon ami. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bintumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! On en arrive maintenant à la partie musicale de notre spectacle. Eh oui, à la demande générale de la jeune et jolie Carole, on va vous faire un petit pot-pourri de nos plus grands succès musicaux des dernières années. Oui, on commence immédiatement avec une chanson qui a popularisé la province il y a de ça quelques années. Alors tout le monde ensemble? J'ai laissé mon cœur à San Francisco. Allez, tout le monde ensemble. Mes jambes à Honolulu. Oui. Mes bras à Tokyo. Où suis-je aujourd'hui? Oui. Et on se retrouve maintenant, 3 ans plus tard. C'était la première chanson qu'on avait faite en entière collaboration avec un Sud-Américain, les 4 Paul, et ce Sud-Américain pour les paroles. Oh, je vois déjà des visages qui s'éclairent, hein? Amor! Amor! Amor! Amor! Cha-cha-cha! Oui! Oh. C'est de la belle époque, ça, hein? Paul, Paul, quand je te dis 1968, à quoi penses-tu? Oh non! Mesdames, messieurs, un de nos plus vieux succès qui a failli nous rendre célèbres à l'époque. Alors, percussion. 1, 2, 3. Une fille, une plage. Dans le voisinage, dans le voisinage, patinage, patinage, dans un coquillage, on a fait l'amour, oui, oui, l'amour, oh, oh, oh. Oui, oui, l'amour, oh, oh. Une folle, farandole, voilà que tu es mort, voilà que tu es mort. Tu te colles, je me colle. Allons à l'école de l'amour. Oui, oui, l'amour. Oh oui, oh. Oui, oui, l'amour. Oui, oui, l'amour. Oui, l'amour. Peut-être, mesdames et messieurs, que Paul ne se rappelle pas. Oh non! Oui, oui, oui, oui. Je pense que c'était une de nos chansons. C'est vrai. C'est vrai. Alors, percussion. Je ne sais pas pourquoi te dire demain peut-être tu es revenu. Je voudrais faire l'amour avec toi, mais tu es là, n'en parlons plus. Out, oh non, non, non, le soleil, on va se faire griller. Succès que j'ai composé pour la première fois cet après-midi, et comme elle n'avait pas de titre, j'ai décidé de l'intituler Un petit cadeau. Alors attention, musique, 1, 2, 3. L'autre jour, je m'en vais sur la rue et je ne savais pas du tout ce qui m'arriverait. Alors je me promène un peu partout et qu'est-ce que je rencontre? Une amie que je connaissais. Elle est fâchée, et moi je me dis, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a? Alors je réalise, oh quel idiot, j'ai encore oublié de lui acheter un beau petit cadeau, un beau petit cadeau, un beau petit cadeau, oui, ah, un beau petit, petit, petit, un petit cadeau. Wow, ah, bonsoir, bonsoir, ah, quel bonsoir, bonsoir, bonsoir. Pas les paroles, oui, soyez là, bonsoir. On a rigolé, on a marré. De toute façon, c'est terminé. Et puisqu'il faut s'en aller, par où ce qu'il faut sortir? Ah, bonsoir, bonsoir. Ah, quel bonsoir, bonsoir, bonsoir. Pas les paroles, vous souhaite le bonsoir. Oui! Alors, c'était au Chic Cabaret d'Errance Renadienne. Mes... 10 minutes, puis on vous revient. Oui, oh, 10 minutes, OK. Alors, on nous revient dans 10 minutes. Ça peut être long. Les minutes peuvent nous sembler des secondes, hein? Puis les secondes, des heures, puis des heures, des journées, puis les journées, des années, des centaines d'années, puis des centaines d'années, des siècles, puis des siècles, et des siècles. Amen, amen, amen. Amen-en pas trop, amen-en pas trop, parce que le temps... C'est de l'argent. Le temps défile. Le temps ne se fiche de rien. Le temps se fout de nous. Le temps ne prend pas le temps de vivre. Le temps est relatif. Le matin, c'est pour ici, mais pas pour demain. Hein? C'est du surréalisme, ça, là. Et puis le matin, là, c'est pas le matin pour tout le monde. Peut-être que quand je me lève, il est 8 heures à Tombouctou. Ouais, mais 8 heures, c'est pas le matin, ça. Ah, c'est vrai, sinon c'est 20 heures. Il est peut-être 20 heures à Pékin. Ouais, mais les Pékinois et les Pékinoises savent très bien danser le oula, oula, oula, le temps qui passe. Ah, je la connais pas, celle-là. Ben oui, c'est oula, oula, oula, le temps qui passe. Oula, oula, oula, le temps qui passe vers nous là, oula, qui cherchons les sentinelles. Oula, oula, oula, tu vis. Ben dans la rue. Merci. Et puis ensuite de ça, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine pour vous? Avez-vous réussi votre creton au miel et au cerf-volant? Oui, vous, ben c'est certain, vous les faites voler. C'est de là le cerf-volant. Puis là, on se demande d'où vient le cerf-volant. Il vient du ciel, mais tenu par une corde au sol. C'est comme les goélands. Les goélands aussi là, sont tenus par un fil, qu'on peut dire un fil Ariane, ou même pour ne pas affoler certaines personnes qui ne savent plus trop quoi en penser, on peut lui lui offrir le nom de cordon ombilical. Ombilical, ombilical, ombilical. C'est où ça? Ça, c'est entre Sherbrooke puis Trois-Rivières. Ombilical, là, tu prends la 40 au nord du sud-ouest et puis tu roules. Tu roules à pied ou sur du papier quadrillé et sans faire attention. Vous allez croiser des têtes de plomb ou des crayons mine. Si c'est du HB 350 4232 27 12, vous le gardez parce que ça fait une belle écriture avec un E qui est suivi du F et qui lèche le L avec tant de ferveur que ça devient presque pornographique. Aimez-vous ça, vous? Quoi? Les lettres qui se torvent? Non! Non, tout ce qui amène la liaison nocturne. Ah, mon, la liaison nocturne. Déjà là, quand le jour apparaît, tous ces mots-là vont se cacher dans une sorte de tombeau avec Dracula. Parce que Dracula, savez-vous pourquoi Dracula n'aime pas le jour? N'aime pas le soleil? Ben, parce qu'il doit avoir de l'ADN de l'Héran rénaldien. Les rangs rénaldiens n'aiment pas le soleil, n'aiment pas le jour. C'est un homme qui est... Voyez, Adam, qu'est-ce que vous faites ce soir, là? Vous roucoulez? Vous vous endormez? En ce beau lundi, 12 décembre 2022, vous préparez pas vos attaquas? M'a expliqué juste l'histoire de mon attaqua d'hier. Oui, bien, j'ai entendu la recette. Ben, j'ai entendu la recette dans le journal. Oui, moi, je l'entends dans le journal. Ah, moi, j'ai un journal sonore. Puis j'ai une radio qui m'amène de l'écriture intellectuelle. C'est KRL amène de la culture et de l'intelligence. OK? Qu'on se le dise ou qu'on se le dise pas, c'est criant de vérité. Quand c'est criant de vérité, on n'a pas à justifier, à aller chercher plus loin, pourquoi c'est comme ça, puis pas c'est autrement. C'est normal que c'est KRL reste la station radiophonique la plus persuasive dans la culture et dans la connaissance underground ou non-underground. Moi, ce qui me plaît sur ces KRL, c'est que les animateurs sont animés par des sujets qui les passionnent. Ils sont tellement passionnés qu'ils oublient les heures qui passent, les jours qui passent, les années qui passent, les ciels qui passent. Les ciels, oui, les siècles. Quoique les cieux passent pas. Non, moi, j'ai un ciel qui... c'est ma carte. Je l'ai perdu. J'ai perdu la carte du ciel, puis j'ai perdu la carte tout court. Ah, quand elle m'a dit, Greta m'a suggéré d'aller voir la voyante midoyenne Balzaborler. Mais là, Mme Balzaborler, elle n'était pas présente. Parce que Balzaborler, ce qu'elle ne disait pas, c'est qu'on devait la prendre quand elle était là. Je lui ai dit, il me semble que c'est comme ça pour tout le monde aussi. Si je m'en vais voir Sophie Marceau, à Paris, puis que je frappe à sa porte, puis elle n'est pas là, elle risque de ne pas m'ouvrir. Si je m'en vais à Paris voir Sophie Marceau, puis que je frappe à sa porte, puis qu'elle est là, elle risque de ne pas ouvrir non plus. Pourquoi elle a peur? Elle ne sait pas qui c'est, qui je suis. Parce qu'elle n'écoute pas ses KRL. Ben oui, mais tes errances s'en vont pas là. Ah, on s'en va là-bas, on s'en vient ici. On monte même par le sujet profond. Plus profond que ça, là, on appelle ça une cuve. Ou un puits. Un puits. Hein, monsieur? Oui, c'est un puits rempli de... Oh, de l'or, monsieur. De perles, oh! Venant d'un pays où il ne pleut pas. Ah, mon Dieu, vous creuseriez votre mort jusqu'à la fin des temps. On vous quittera pas. On vous quittera pas. On vous quittera pas. Quoi? Vous chercherez votre identité jusqu'à la révéler au bout de vos doigts. Vous demanderez

Vous demanderez à vos empreintes digitales de vous redonner votre identité. Vous n'en voudrez pas. Vous n'en voudrez pas. Vous n'en voudrez pas. Vous n'en voudrez pas. Vous voudriez, vous allez vouloir être l'ombre de votre ombre. L'ombre, ça c'est de la conjugaison là, extrême. C'est de la conjugaison élitiste. Je dirais même que c'est de la conjugation, oui, c'est de la conjugaison puriste. Alors, je vais lancer une phrase qui risque de m'amener un peu trop loin. Y a-t-il un puriste dans la salle? Yay, j'ai rosé mon pony pour qu'il ressemble à Kojak. Mais je me suis trompé. Il ressemble à Jeanne d'Arc. C'est quand je l'ai posé chanson de Kodak que j'ai réalisée, que j'avais fait patac. Maintenant il est parti rejoindre son prairie, mais si jamais il revient, m'envoie serrer la main. Oh, je revois en pensée nos soirées au drive-in, quand pour me faire moquer, ils fonçaient dans le film. On avait tant de rigolo à courir les vaches fines, qu'à dedans le rodéo, il était le plus prime. Oh, reviens mon petit but, tu seras mon neveu. J'irai pas si clopin au galop, et j'aperçois sur le loin sa nouvelle coupe de chevaux. Bonjour, mon gros Beetle, ton cheveu a bien poussé. C'est pas grave, mon grand Poodle, demain m'a te rosé. Et là, mais ouais, je suis arrivé tout seul, moi, là. Tout seul, sans véhicule, juste avec mes pas et la force motrice de mon intelligence. Je dis ça comme ça, c'est simplement pour vous relater un peu mon apparition soudaine à votre porte et surtout devant vos yeux. C'est moi. Oui. Comment? Mon nom? Mon prénom? C'est comme vous voulez, hein? Ça peut être Ghislain, Joanne, Gaétan, Raymond, Jean-Luc, et puis ça même Jelly Belly. Connaissez-vous Jelly Belly? Oh, la vie de Jelly Belly! Oh, Jambalaya, chante avec moi encore! Jelly Belly! Hey! C'est la belle Jelly Belly, pas la sa belle-sœur. Sa belle-sœur, Millie Jelly Belly, Nelly Dilly, Tully, Tully, c'est en revenant dans le beat. Oh, non, c'est pas celle-là. Mais Jelly Belly, c'est... non, ben, il faut pas la comparer à ses sœurs, ses frères, ses beaux-frères, ses belles-sœurs. Elle est unique en soi. Et puis, un peu comme Jim Morrison, elle a voulu couper avec le fil Ariane. On a parlé d'un fil Ariane tout à l'heure. Hein, avec le fil Ariane de sa génération et de ses racines. Elle dit, moi, j'ai pas de racines. J'ai pas de racines. Je suis déraciné. C'est bien. Moi, j'aime les gens qui ont le courage de dire ça. Puis de couper vraiment les liens, là. D'être seul, d'être un fugitif de sa famille, bravo, bravo, respect. Un grand respect, puis une belle chanson là-dessus, respect, tout, tout, tout, respect, tout, tout, tout, respect. Il y en a drôles, il y en a des folles, il y en a petites, pardon? Non, c'est des respects. D'air en air, l'apiculteur se meurt. Il a eu son heure, il a fait son beurre. Happy apiculteur. D'air en air, l'apiculteur effleure la fin du labeur. apiculteurs. Dans une autre vie, les marguerites s'éveillent au ralenti. Personne n'est vainqueur. Les proies des prédateurs savourent le nectar d'une pomme d'appui. Happy apiculteur. L'heure c'est l'heure, on n'est pas d'humeur. À renverser des pleurs, pierres sont les ouvrières. Le jour en tailleur, le soir en dépierre. Quand la mort vous susurre, les cerveaux veloutés, que rien n'est moins sûr, n'aura plus d'importance, ni la chaleur, ni les piqûres. Mais on a apiculteur qui se meurt. Trouble interrupteur. Une oasis, vous allez bander des pagnoles. Que la splendeur n'effraie plus. Thank you. Respect. Non, mais si tu respectes pas, t'as le droit. Tu peux aussi l'exprimer. Ah oui. Pourquoi avoir peur de dire ce que l'on a entre les deux oreilles, c'est-à-dire du vent? Il y en a qui ont du vent. Mais sincèrement, la majorité n'ont pas ce courant d'air. Le vent courant d'air! Oui. Ouais, Raymond, lui, c'est courant bière. Ouais, ben oui. Et je l'ai ramassé avant-hier. Ah, mon Dieu, il léchait le sol. Là, quand je l'ai vu, je me suis couché comme un arbitre. Et un, deux, trois, pour faire le compte de trois. Mais il était devant lui, je dis, mon ami, faut que tu commences par ton... Il faut qu'il se sente appartenir à un clan. Mon ami, c'est déjà là. Mon ami. Là, il cherche d'où vient la voix. Est-ce que c'est Daniel? Oui, Daniel Lavoie, le chanteur. Là. Ils aiment comme avant, et non, c'est pas celui-là. Non. Hey, écoute-moi. Je savais pas si elle allait m'écouter ou vomir. T'sais. Ça fait que là, je n'ai pas voulu juger. J'ai dit, as-tu perdu une lentille, là? T'as de la misère à voir? Veux-tu que je t'aide à la retrouver? Là, il fait... Oh, c'est un nouveau langage qu'il veut exprimer. Restons avec lui, connectés à cette nouvelle réalité. Pourquoi juger un être qui va aller plus loin dans son existence et peut-être en apprendre sur lui-même? Et franchir, défricher un nouveau chemin que l'on ne connaissait pas. Qui sommes-nous pour juger, Raymond? Qui sommes-nous pour juger? Je n'ai pas de formation en droit. Je n'ai pas le droit de... Ben, je peux commenter. Commenter, c'est pas juger. Juger, c'est de dire ça, c'est ça, puis ça, c'est comme ça, puis pourquoi c'est comme ça, mais c'est de même, c'est pas autrement. Mais là, autrement... Tu sais, quand j'ai commencé à faire mon omelette, il y a tous les cuisiniers amateurs, parce que les professionnels, ils viennent pas me voir. Tu sais, les amateurs, c'est ceux qui font de la cuisine pour le plaisir. Ah, moi, pour le plaisir. Pour le plaisir, je bats un œuf de temps en temps et le place dans la poêle exactement pour le faire frémir. Pourquoi? Pour le plaisir. Ouais, mais quand tu le manges, quand je le mange, c'est une dégustation. Hein? C'est une dégustation. C'est une dégustation. Voyons donc, c'est une dégustation. Mal dans la chanson, c'est difficile. C'est une dégustation. Voyons donc, toi. Comment tu peux pas dire ça, toi? Dégustation. Oui, je peux le dire, mais pas en chantant. Quand j'étais petit garçon, les dégustations. Dégustation! Mais là, ça n'a plus de lien. Là. On sait même pas pourquoi tu dis dégustation. Mais parce que c'est écrit. Mais non, c'est pas écrit, c'est improvisé. Voyons donc, toi. Ce que je suis en train de dire depuis tantôt. Ça, là, c'est quand même un chien, ma beauté. Hein, ma beauté? Raymond Cloutier, de l'Agence militaire 3743, chevronné 43. Avec sauce moutarde mayonnaise et vous remplacez le bacon par le fromage, s'il vous plaît. Là, vous êtes en train de me diminuer dans mon grade. Donc, je ne serai pas rétrograde. Comment ça fait? Ah! Grade? Rétrograde? Moi, le rétro, j'aime bien ça. Oh mon doux Seigneur. Mireille Matteau, Georges Mousmlami, ou mon ami, il faut être son ami, hein. Serge Blama, et puis Michel Bidou. Là, Michel Bidou, là. Ben, y'en a. Connais pas Michel Bidou? Michel Bidou. Pas Robidou, Bidou. Robidou, Bidou, c'est autre chose, ça. Mais Michel Bidou, t'en chante pas Bidiba, Bidiba, Bidibou, c'est pas lui. Hé, hey, il a fait des succès, puis des succès! Lequel? Laquelle? Lesquels? Oh mon Dieu, il y en a tellement. Que par où le prendre? Tu sais, c'est comme une couche remplie de numéro 2 crémeux. Pour pas te beurrer, tu sais pas par où la prendre. Et puis, lui, c'est la même chose. Il était crémeux. Ah, mon doux. Puis en plus, on disait souvent, parce qu'il y avait des verres fumés, des lunettes fumées, qu'il dormait pendant qu'il chantait. Ouais. Il y a la chanson « Comme d'habitude ». Non, c'est pas lui, ça. Non, c'est pas lui. Et c'est, voyons donc, oui, il y en a tellement. Il y en a. San Francisco. Non, ça, là. Old Jump. Non, pas lui, non, on l'a fait, ça. Et j'ai un petit blanc. Un petit blanc Richard dans ma tête qui tourne, puis qui joue du violon et qui me dit « Tu devrais passer à autre chose. » Mais moi, ma grosse... J'ai une tête de cochon. Moi, le cochon, là, je pense que c'est mon animal préféré. Non pas par son grand succès, c'est par sa tête. Je l'ai, la tête de cochon. Mais j'ai pas de langue de cochon. Puis, tu sais, on dit, toi, t'es un cochon. On va leur dire, toi, t'aimes ça, tu sais, les cochonneries, puis les avant la même. De même, comme ça. Comme on le dit. Il y a une expression en Belgique qui dit, comme Azim Papouel. Azim Papouel. Avez-vous visité Jim Papouel? Non, c'est Zim Papouel. Zim Papouel. OK. Il y a Arnaud, mon Belge préféré, qui me fait des signes. Parfait. Et puis, non, Sardou. Oh, mon Dieu, j'ai balancé son nom. C'est quoi, donc? Il en a fait tellement, hein, mais... pas lui, comme d'habitude. Oui, il y a d'autres, oui. Oh, oui, ben, celle-là. En chantant. Et quand j'avais dit... heureusement, j'ai censuré moi-même. Hein. Quand j'étais petit garçon, je fredonnais mes chansons en chantant. Et bien, des années plus tard, je me chassais en chantant. On y va. Sonic Youth, ça chante. Ça ressemble un peu à Michel Sardou, hein? What makes you want to love me? Was it my body? Or someone I might be? Or something inside me? You tell me, it's really up to you. Have you got the time to find out? Bonsoir, madame. Oui, vous m'avez demandé de vous aider. Je suis capable de vous aider. Ça dépend dans quel domaine. Oui, mon... Ouais, mais... Mais j'ai certes... Mais c'est certain que j'ai des affinités avec vous. Oui, je suis attentif. Vous êtes attentif, vous? Oui. Oui. Vous souffrez, non? Pas vraiment? Quelquefois, mais certain. Mais tout le monde souffre quelquefois. Mais combien de fois? Parfois. Des fois, c'est trop de fois. Et puis, vous avez des mots pour décrire tout ça? Ou quels sont vos... D'où viennent les mots, vos mots de votre bouche? Oui, c'est bien. Non, mais c'est, ça commence comme ça, hein? Mais je veux dire, dans votre... Okay, vous avez un corps. Oui, céleste. Mon, vous êtes pas... Oui, on peut vous... cataloguer comme un ange? À cornes. Oh, démoniaque. Satanique. Et machiavélique. Une folle, mais non, une frivole licorne. Ah, une licorne avec une corne. Au niveau du museau, en haut du museau, entre les deux yeux, en bas des yeux, c'est le museau, le nez. Vous avez un nez, pas de museau. Un museau, deux yeux, une corne. Deux trous nasaux. Nazi. Ouais, les dimanches sont inconfortables, c'est certain. Hein? Quand on sort de... Ben, et puis on se retrouve devant des... Puis on veut parler de... Puis on n'ose pas parce qu'il y a des... Puis là, on veut s'en aller vers... Mais on n'a pas oublié de parler à... Même si nous... Hein? Bon, c'est clair. Tout est clair, hein? Oui, mais Martine me l'a dit. Hein? Oui, ben oui, laisse-moi t'aimer. Oui, Martine Sinclair, la belle Martine Sinclair. La connais-tu, Martine Sinclair, toi? Je te tutoie parce qu'on vient de se parler, mais c'est comme si on se regarde dans les... Oui, dans les vœux. Plus on se regarde dans les vœux, puis on veut se parler. Plus on veut aller plus loin. Pas toi? Puis toi? Pas toi, puis toi? Puis toi, pas toi? Toi, oui, toi, oui. Toi, mon toi. Toi, mon tout, mon toi. Prends un petit crayon, glisse-le entre... Non, c'est quoi, non? Hein, c'est pathétique. Mais j'ai demandé à Pathétique. J'ai dit, Pathétique, comment tu prends ça, ce mot-là, toi? Il dit, moi, depuis qu'on l'a placé dans la grande... dans le dictionnaire. Dictionnaire de la langue française, là. J'ai dit, ah, t'as cet accent-là, toi, Pathétique? Ben, écoute, moi, je fais partie de plusieurs mots, là, mais Pathétique, c'est moi. Quand ma mère m'a dit, toi, Pathétique, tu vas te battre pour ce mot-là, parce que c'est toi, puis ça te représente, et puis tu peux pas aller autrement dans un autre courant, parce que quand t'es pathétique. Et puis, quand j'ai voulu en savoir plus sur mon nom, on m'a dit, oui, j'ai dit, Non, le non, pas le oui, ben non, on parle pas de ton, on parle de ton nom, N-O-M, pas le nom N-O-N. On n'est pas négatif, on est positif, là, et puis arrête de voir autrement quand on veut dire les vraies choses. Mais moi, t'es déjà là, j'étais un ange adolescent encore aujourd'hui, je suis très pathétique, et puis moi, l'adolescence m'a permis d'aller vivre des affaires, et puis que l'âge aujourd'hui encore que j'ai, parce que je suis pathétique assez vieux, mais je suis pathétique là-dedans aussi. Je reste tout le temps avec le même élan d'Amérique, et puis ou élan d'Europe, ou élan d'Asie, ou mon oncle aime pas ça. Mon oncle pathétique, et si tu dis ça à mon oncle pathétique, il va dire, et toi, si tu vas pas ailleurs, reste ici. Puis si tu restes ici, ancre-toi. Puis après ça, tu pourras bouger. Puis là, il se disait, lui, pourquoi si je dois m'ancrer ici, je dois m'en aller? Parce que quand je suis ancré, je suis coincé. Puis l'autre, il est plus brillant que les... Hein? Il est plus brillant que la majorité. C'est ça qui me fait plaisir, là. Mais dis, si tu t'es ancré, là, OK? Le jour où tu vas pouvoir te défaire de tes ancrages, c'est là que tu trouveras la liberté universelle. Tonight, I could stay all night.